Unité 67. Conversation. Écoutez. 1. Je me demande si nous n'aurions pas intérêt à partir demain en fin d'après-midi. 2. Comme ça, nous aurions fait un bon bout de la route avant la nuit. 3. Nous nous arrêterions pour dormir. 4. Je pense que nous devrions être là-bas pour midi. 5. À mon avis, c'est la meilleure solution. 6. Je ne sais pas ce que Cécile en pensera. 7. Mais si nous faisons toute la route d'une seule traite, nous allons arriver crevés. 8. Ce soir, je vais lui téléphoner pour lui demander ce qu'elle en pense. Répétez. 9. Je me demande si nous n'aurions pas intérêt à partir demain en fin d'après-midi. Dix. Comme ça, nous aurions fait un bon bout de la route avant la nuit. Onze. Nous nous arrêterions pour dormir. Douze. Je pense que nous devrions être là-bas pour midi. Treize. À mon avis, c'est la meilleure solution. 14. Je ne sais pas ce que Cécile en pensera. 15. Mais si nous faisons toute la route d'une seule traite, nous allons arriver crevés. 16. Ce soir, je vais lui téléphoner pour lui demander ce qu'elle en pense. 17. À quoi penses-tu? 18. Je me demande si nous n'aurions pas intérêt à partir demain en fin d'après-midi. 19. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. 20. Comme ça, nous aurions fait un bon bout de la route avant la nuit. 21. Ce qui signifie qu'on roulerait toute la nuit. 22. Non, nous nous arrêterions pour dormir. 23. Quand penses-tu que nous arriverons à Carcassonne ? 24. Je pense que nous devrions être là-bas pour midi. 25. Tu crois que c'est la meilleure solution? 26. À mon avis, c'est la meilleure solution. 27. Et Cécile? 28. Je ne sais pas ce que Cécile en pensera. 29. Il me semble qu'elle m'a dit qu'elle préférerait faire la route d'une seule traite. 30. Mais si nous faisons toute la route d'une seule traite, nous allons arriver crevés. 31. Il faut lui en parler. 32. Ce soir, je vais lui téléphoner pour lui demander ce qu'elle en pense. Écoutez. Qu'est-ce qu'il te voulait? François avait envie que l'on parte demain après-midi au lieu d'après-demain matin. Ah bon? Pourquoi? Il dit que ce sera moins fatigant. Et la nuit? Il propose que nous nous arrêtions pour dormir à mi-route. Je me demande ce qu'il vaut mieux que vous fassiez. Finalement, je suis presque tentée de croire qu'il a raison. Répétez. 33. Qu'est-ce qu'il te voulait? 34. François avait envie que l'on parte demain après-midi au lieu d'après-demain matin. 35. Ah bon? Pourquoi? 36. Il dit que ce sera moins fatigant. 37. Et la nuit? 38. Il propose que nous nous arrêtions pour dormir à mi-route. 39. Je me demande ce qu'il vaut mieux que vous fassiez. 40. Finalement, je suis presque tentée de croire qu'il a raison. Répondez, répétez. 41. Qu'est-ce qu'il te voulait ? 42. François avait envie que l'on parte demain après-midi au lieu d'après-demain matin. 43. Ah bon ? Pourquoi ? 44. Il dit que ce sera moins fatigant. 45. Et la nuit ? 46. Il propose que nous nous arrêtions pour dormir à mi-route. 47. Je me demande ce qu'il vaut mieux que vous fassiez. 48. Finalement, je suis presque tentée de croire qu'il a raison. 48. Écoutez. Valérie, tu es passée voir Madame H ? Pourquoi voulait-elle te voir ? Elle m'a demandé si je voulais aller garder ses enfants demain soir parce qu'elle doit sortir. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que je ne savais pas si tu serais d'accord. Pourquoi ne lui as-tu pas dit oui tout de suite ? Je ne savais pas ce que tu en penserais, vu que je vais en classe le lendemain à 8 heures. Répétez. 49. Valérie, tu es passée voir Madame H ? Pourquoi voulait-elle te voir ? 50. Elle m'a demandé si je voulais aller garder ses enfants demain soir parce qu'elle doit sortir. 51. Qu'est-ce que tu lui as dit ? 52. Je lui ai dit que je ne savais pas si tu serais d'accord. 53. Pourquoi ne lui as-tu pas dit oui tout de suite ? 54. Je ne savais pas ce que tu en penserais, vu que je vais en classe le lendemain à 8 heures. 55. Valérie, tu es passée voir Madame H ? Pourquoi voulait-elle te voir ? 56. Elle m'a demandé si je voulais aller garder ses enfants demain soir parce qu'elle doit sortir. 57. Qu'est-ce que tu lui as dit ? 58. Je lui ai dit que je ne savais pas si tu serais d'accord. 59. Pourquoi ne lui as-tu pas dit oui tout de suite ? 60. Je ne savais pas ce que tu en penserais, vu que je vais en classe le lendemain à 8 heures. 61. Dis-moi ce que je dois faire. 62. C'est à toi de voir. 63. Tu crois que je devrais accepter ? 64. Pourquoi me le demandes-tu ? 65. Je me dis que si j'y vais, je vais gagner 50 francs. 66. Et alors ? 67. Mais s'il rentre tard, je me demande si le lendemain je réussirai à me réveiller. 68. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Comience de nuevo. Pourquoi me le demandes-tu ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vuelva a escuchar la conversación del número 61 al 68 y repita el ejercicio. Écoutez. 77. Nelly, à l'heure qu'il est, on ne peut plus joindre Monsieur Bertrand? 78. Non, son avion va atterrir, il est 12h. Il dit qu'il arrive à 12h15. 79. Alors on est coincé. Il me faut au moins une heure pour aller à Roissy. 80. Oui, je ne vois pas ce que nous pourrions faire. 81. Et si nous faisions faire un appel par haut-parleur? 82. Vous croyez qu'on peut le faire? 83. Oui, on peut lui faire dire qu'il m'attende au point rencontre. 84. Oui, on n'a pas d'autre solution. Comience de nuevo. Non, son avion va atterrir, il est 12h. Il dit qu'il arrive à 12h15. Oui. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire. Vous croyez qu'on peut le faire? Oui, on n'a pas d'autre solution. Vuelva a escuchar la conversación del número 77 al 84 y repita el ejercicio.